La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Frédéric Chopin est né près de Varsovie en 1810 et il est mort à Paris à l'âge de 39 ans. Enfant prodige et décrit comme joyeux et rieur, il est devenu à l'âge adulte un être davantage mélancolique, nostalgique de la Pologne et de sa famille, mécontent parfois de lui-même, irritable aussi souvent. En tout cas, voilà une image du compositeur qu'il faut nuancer. C'est ce qu'a fait pour nous Pascal Fautrier au cours de notre émission biographique. C'était lundi dernier. Hier, avec Jean-Jacques et Gilles Dinger, nous nous sommes promenés dans la musique de Chopin avec l'idée de la caractériser. Nous avons également parlé de son rapport fusionnel et sentimental à son instrument, le piano. Enfin, demain, avec Jean-Yves Pat, nous parlerons de la relation du compositeur avec George Sand durant près de 10 ans et des étés qu'ils passèrent à Nohant, accompagnés des nombreux artistes que Sand y invitait. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour replacer Chopin au sein de l'époque romantique et aussi pour parler de sa virtuosité en tant que pianiste, nous sommes en compagnie de Cécile Reynaud, spécialiste de Franz Liszt. Elle l'est aussi de Chopin, à qui elle a consacré une exposition en 2010 au Musée de la Musique. Elle est également directrice d'études en musicologie à l'École pratique des hautes études. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Chopin a vraiment ouvert toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les possibilités au piano. Les autres grands maîtres, compositeurs supérieurs comme valeur à Chopin, nommons Mozart, nommons Bach, Beethoven, de quelque sorte Schumann a contribué à la musique davantage. Ils ont traité le piano comme une utilité pour exprimer leurs idées musicales générales. Et que Chopin ne pouvait pas parler une autre langue que celle du piano. Le pianiste Arthur Rubinstein dans une archive de 1991. Bonjour Cécile Reynaud. Bonjour. On donnerait beaucoup pour entendre Chopin lui-même, j'imagine encore plus quand on est, comme vous, spécialiste de son œuvre, parce que ce qu'on sait de son jeu pianistique ne nous est parvenu que par des témoignages ou peut-être par ses écrits. Est-ce qu'on a une idée tout de même un peu précise du genre de pianiste qu'il était ? Alors, c'est une question difficile, en effet, puisqu'on n'a pas de témoignages directs. On peut peut-être deviner ou comprendre le pianiste qu'il était en déduisant ce que d'autres ont dit, comme vous venez de le dire, mais aussi en comparant avec ce que d'autres pianistes ont pu faire. Et par exemple, si on le compare avec le parangon de la virtuosité de l'époque, qui est Franz Liszt, on peut comprendre, en voyant ce que Liszt a dit sur Chopin, ce que Chopin a dit sur Liszt, ce que les comptes rendus critiques dans la presse pouvaient en dire, que la virtuosité de l'un et de l'autre pianiste était fort différente. À l'époque, est-ce que tous les pianistes sont des virtuoses ? Tous les pianistes, en tout cas, qui se font, qui paraissent sur la scène parisienne, tendent à devenir des virtuoses. Et pour se faire connaître sur la scène parisienne, étant donné ce que le piano est devenu à cette époque, il ne faut pas oublier qu'autour de 1820-1830, dans les débuts de la monarchie de Juillet, le piano devient l'instrument roi dans les salons, dans la société parisienne, du fait des progrès fulgurants de la facture instrumentale. Donc Donc c'est un instrument qui va pouvoir résister de plus en plus aux attaques, disons, d'une virtuosité très technique, très rapide, en devenant plus solide, avec des cordes plus solides, des cadres en métal plutôt qu'en bois, etc. Une évolution très progressive tout au long du 19e siècle, qui fait que les pianistes, aidés par les facteurs d'instruments, vont lutter avec les difficultés, lutter avec cet instrument pour devenir les plus performants possibles. Donc il y a une rupture technique, technologique, qui va entraîner une rupture musicale. On peut dire ça comme ça, peut-être, c'est-à-dire que, alors, il y a une rupture technologique certainement dans la fabrication des pianos, et puisqu'aujourd'hui on parle de Chopin, il faut bien sûr, comme vous avez dû le faire dans les émissions précédentes, évoquer le nom de Pleyel, le grand facteur de piano, rival du facteur Erard, qui tous deux ont contribué à faire évoluer le piano. Donc, des ruptures technologiques certainement, qui du coup conduisent à un jeu et une écriture pour le piano différente. Le piano s'agrandit aussi pour le clavier, et les pianistes vont devoir aussi agrandir en quelque sorte leur technique pour pouvoir remplir ce clavier qui s'agrandit de quelques notes, hein. C'est pas 10 octaves, mais enfin quand même. Il faut aussi pouvoir résister en quelque sorte à ces mécaniques de piano qui sont plus lourdes, et pour lesquelles il faut donc une force de frappe, si j'ose dire, plus puissante. Alors quand on vous écoute, on pense évidemment à Franz Liszt, qu'on imagine tapant sur ses pianos, les martyrisant, parce que c'est lui finalement le grand pianiste virtuose du 19e siècle, celui qui se donne totalement à son public, qui est seul en scène, qui invite, qui invente presque le seul en scène. Alors, il faut aussi voir que le mot de virtuose n'est pas univoque, c'est-à-dire que Liszt, c'est peut-être un exemple de virtuosité très technique. C'est vrai qu'on le caricature beaucoup pendant sa jeune période, disons au cours des années 30, la Liszt-omania qui sévit en France, en Allemagne. On le caricature beaucoup sous forme d'un bourreau de piano qui aurait fait casser les cordes pendant ses concerts. C'est vrai que cela arrivait, mais il faut pas garder non plus cette caricature en tête. Liszt n'était pas un bourreau de piano, il ne les cassait pas sous lui, enfin ça ne marchait pas comme ça. Mais pas toujours, Toujours. C'est arrivé, mais il est vrai que par déduction, du coup, on arrive à la virtuosité, au pianisme de Chopin, qui n'est pas du tout décrit de la même façon. De même, Chopin n'a pratiquement jamais été caricaturé. Donc, sa virtuosité, n'oublions pas que le terme a le sens, disons, à la fois de technique transcendante, mais aussi d'invention sur le piano. De création d'un autre monde sonore. Ça n'est pas seulement le mieux-disant, enfin technologique, c'est aussi l'invention poétique sur le piano. Donc le pianisme de Chopin, à contrario, ou en le comparant à ce qu'on a pu dire de Liszt à l'époque, apparaît justement comme un pianisme qui n'a pas été caricaturé, qui ne tenait pas à faire du piano, disons, le centre d'une mise en scène, et qui ne se mettait pas lui-même complètement en scène, puisqu'il a été finalement assez peu en concert public. Donc on peut être un virtuose sans devenir une star, parce que on a l'impression que la virtuosité, elle est là pour impressionner le public et impressionner un large public. Or, si la virtuosité de Chopin l'impressionne, lui-même ne se sentait pas toujours de se donner comme ça devant un grand nombre de personnes. C'était un virtuose au sens que la difficulté technique du piano n'avait pas de secret pour lui, mais pas au sens où il jouait un personnage sur la scène devant le public de l'époque. Ce n'est pas ça qui l'intéressait, et visiblement, je crois que entre 31 et 48, il a peut-être donné 15 concerts publics à Paris. Sinon, il se produisait dans les salons. Donc, il n'avait pas un personnage de virtuose à jouer. Ce n'est d'ailleurs pas comme cela qu'il gagnait sa vie. Tandis que Liszt, évidemment, a fondé toute sa carrière, et c'était son pianisme à lui, sa façon de jouer sur cette représentation de lui-même. Chopin, malgré son magnifique talent d'exécution, n'était pas l'homme de la foule, le virtuose des grandes salles et des grands concerts. Il avait renoncé à ses tumultes depuis longtemps. Un petit cercle d'auditeurs choisis, chez lesquels il pouvait croire à un réel désir de l'entendre, pouvait seul le déterminer à s'approcher du piano. Que d'émotions alors il savait faire naître. en quelles ardentes et mélancoliques rêveries il aimait à répandre son âme. C'était vers minuit d'ordinaire qu'il se livrait avec le plus d'abandon. Quand les gros papillons du salon étaient partis, quand la question politique à l'ordre du jour avait longuement été traitée, quand tous les médisants étaient à bout de leurs anecdotes, quand tous les pièges étaient tendus, toutes les perfidies consommées, quand on était bien là de la prose, alors, obéissant à la prière muette de quelques beaux yeux intelligents, il devenait poète et chantait les amours océaniques des héros de ses rêves, leur joie chevaleresque et les douleurs de la patrie absente, sa chère Pologne, toujours prête à vaincre et toujours abattue. Mais hors ces conditions que tout artiste doit lui savoir gré d'avoir exigées pour se produire, il était inutile de le solliciter. La curiosité excitée par sa renommée semblait même l'irriter et il se dérobait le plus tôt possible à un monde non sympathique quand le hasard l'y avait fait s'égarer. Vous avez probablement reconnu cet article nécrologique de Berlioz sur Chopin, Cécile Reynaud, lu ici par Vanda Benes, parce que Berlioz, c'est encore quelqu'un que vous connaissez bien et dont vous êtes spécialiste. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte ? Alors, Berlioz a plusieurs fois écrit sur Chopin, de mémoire au moins trois fois, sans doute plus, et ses articles n'ont pas eu toujours cette veine élogieuse recueillie. Là, bien entendu, on est dans le contexte après de l'après disparition. C'est toujours de Chopin. Plus facile d'être élogieux voilà, après la mort de et quelqu'un. Berlioz a quelques années auparavant blâmé Chopin de se tenir à l'écart comme il le faisait de la société musicale parisienne. Berlioz a souvent parlé des concerts des pianistes et vous savez que pour les romantiques dont il faisait partie, le pianisme virtuose, disons dans son acception la plus brute, la plus technique, était une sorte de négation de la musique, une sorte de virtuosité théâtrale qui n'était pas musicale. Et Chopin, au contraire, représentait pour lui, comme Liszt, une sorte de piano poétique, créateur de mondes, d'univers imaginaires. Et donc, il regrettait beaucoup la sorte de retenue que Chopin avait par rapport au monde musical de son temps. Donc il y a plusieurs articles où il le regrette, il dit Chopin n'apparaît qu'une fois par an dans les salons Pleyel, c'est dommage, parfois il est un peu plus féroce que cela. Et là donc dans ce texte il évoque dans un contexte où Liszt par exemple va aussi écrire des phrases qui ressemblent à celles de Berlioz, qui évoque justement le côté imaginaire et poétique de son œuvre, qui fait qu'il n'était pas un virtuose au sens démonstratif mais un créateur de monde poétique. Est-ce qu'on peut dire que la virtuosité de Liszt se projette vers l'extérieur, alors que la virtuosité de Chopin est au contraire dans l'intimité, dans l'intériorité ? La façon dont Chopin jouait du piano et dont il voulait jouer du piano, ce n'est pas, on se doute qu'il aurait pu faire autrement. Quand il était à Varsovie, on sait que c'était un des pianistes les plus extraordinaires en virtuosité qui ait pu apparaître. Donc, il avait décidé de faire autrement une fois arrivé à Paris. Et en effet, cette virtuosité se projetait probablement dans son imaginaire, dans celui de ses élèves, dans celui du public restreint qu'il voulait bien avoir. Et il est vrai aussi que Liszt considérait la musique comme une sorte d'union entre les êtres qui l'entouraient. Il y avait chez Liszt cette sorte de vision sociale, enfin c'était un idéaliste. Ce que Chopin n'était, il était peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'avait pas du tout cette vision sociale que Liszt pouvait avoir. Ça lui était, je pense, un peu égal. Et Liszt, donc, voyait dans le public qui communiait autour d'une œuvre musicale la façon de faire une union aussi dans la société. Et l'admiration entre les deux, dans quel sens va-t-elle d'abord ? Difficile question. Certainement, quand Chopin arrive à Paris, Liszt est déjà bien connu. En 31, Liszt est là depuis bien plus longtemps que lui. Il a un an de moins, ils ont quasiment le même âge. Oui, mais Liszt est né en 1811, mais Liszt est depuis bien plus longtemps que Chopin à Paris. Il est bien plus connu que lui, il a un nombre d'œuvres déjà très importantes derrière lui. Et je pense que c'est plutôt Liszt qui a permis à Chopin de connaître Paris, de s'y sentir enfin accueillis, et ils ont joué ensemble d'ailleurs, ils ont joué ensemble dès 1832 avec Kalkbrenner, je pense, dans des concerts où il me semble, je devine que le nom de Liszt a été celui qui a pu porter aussi Chopin, ce qui ne veut pas dire que la machine ne s'est pas retournée ensuite. Mais au début, cela a certainement été dans ce sens-là pour faire connaître Chopin à Paris. Et ensuite, il n'y a plus eu besoin de Liszt. Et certainement, il y a eu entre les deux hommes une vive amitié qui s'est ensuite éteinte, disons, du fait de du peu de goût que Chopin semblait avoir pour l'extériorité de Liszt, disons, pour sa façon théâtrale de jouer certaines choses. Et peut-être aussi à cause de leurs compagnes respectives, Marie Dagout et Georges Sand. Oui, alors, Marie Dagout et Georges Sand, il est vrai que donc Liszt a probablement, Liszt et Marie Dagout, rencontrent souvent Georges Sand et Chopin lorsqu'ils reviennent après leurs escapades quand Liszt est parti avec Marie Dagout dans les années plus 36, quand ils se retrouvent à Paris à l'Hôtel de France autour de 1836 au salon de l'Hôtel de France. Georges Sand et Chopin viennent rendre visite à Marie Dagout et Liszt, donc il y a une amitié certaine, des voyages communs, puis cette amitié entre Marie Dagout et Georges Sand va connaître, disons, des hauts et des bas pour être... voilà, dire un euphémisme, c'est ça, et cette amitié va petit à petit péricliter. Mais je pense que quand même, fondamentalement, plus que l'amitié de leurs compagnes respectives, il s'agit aussi de deux écoles esthétiques, deux écoles de piano, et deux façons, au fond, de se conduire vis-à-vis du public musical, qui sont très différentes. Est-ce qu'on peut dire que Chopin... est davantage dans l'abstraction, ou en tout cas sa musique, alors que Liszt serait davantage, je ne sais pas, dans la poésie. C'est une question très intéressante parce que on a souvent dit que l'univers pianistique de Chopin est un univers hautement poétique, mais il n'y a pas de pianiste qui ait davantage refusé le texte, enfin littéraire, le programme, l'allusion littéraire que Chopin. Ses pièces pour piano sont, comme vous le dites, abstraite, c'est-à-dire construite sur des modèles, les mazurkas, les valses, les polonaises, mais qui ne font pas référence, dans sa volonté en tout cas, à un argument extra-musical. Il y a quelque chose de très très moderne quand même là-dedans. Il y a quelque chose de moderne, de ce refus du mot pour soutenir la musique. De moderne, aujourd'hui on le voit comme moderne parce qu'on regarde le romantisme à l'aune de ce que nous connaissons maintenant, de ce qui s'est passé après. Mais en 1830, est-ce que ce n'était pas moderne aussi d'écrire une œuvre comme la Symphonie Fantastique qui était appuyée sur un programme? Et les poèmes symphoniques de Liszt sont très modernes parce qu'ils sont appuyés sur des programmes. Donc c'était deux façons de concevoir la musique très différente. Et il est vrai que Chopin, qui pourtant fréquentait les cercles littéraires par Georges Sand, c'est bien évident, s'est refusé à inclure, disons, l'argument littéraire dans son œuvre. Alors pour terminer, Cécile Reynaud, sur la question de la virtuosité, qui vient, vous nous l'avez dit, de la transformation du concert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le piano remplace quasiment tout l'orchestre. Est-ce que ça n'est pas aussi une évolution des mentalités qui permet ça? Une évolution d'après les Lumières, une évolution du 19e dans la manière de penser l'individu. Parce que être seul en scène, ça devient possible, ça devient même la référence. Alors que avant, la musique, c'était autre chose et c'était plus collectif. Est-ce que vous voyez quelque chose là, ou est-ce que ça ne vous paraît pas ce qui s'est passé? Il me semble que on peut décrire cela d'abord comme un avènement, effectivement, d'un autre type de musicien, le musicien qui n'est plus dépendant d'une cour, des mécènes, mais qui cherche lui-même son propre public, son propre financement, en quelque sorte. Liszt et Chopin n'ont pas de protecteur, entre guillemets, ils ne sont pas payés par une cour. Voilà. Donc, ils sont obligés, Liszt en tout cas est obligé de conquérir lui-même un public, c'est le cas de tous les virtuoses qui vont passer par Paris, Paris étant la plaque tournante des rencontres de virtuoses de tous instruments d'ailleurs, et des chanteurs. Et donc ce musicien qui doit conquérir lui-même son public, forcément, il doit se mettre au centre, il doit devenir le soliste de son concert pour attirer à lui le public, pour vivre de son art aussi. Ce qui n'a pas du tout empêché Liszt, mais qui était une personnalité... avec des facettes extrêmement nombreuses et différentes, de participer aussi à de très nombreux concerts avec orchestre. Par exemple, pour aider Berlioz, puisque Liszt était plus connu que Berlioz, tout en étant son cadet, il a participé à des concerts de Berlioz, jouant au piano pendant que Berlioz dirigeait, ou voilà, pour participer, disons, de la carrière de ses collègues. Une grande, grandissime nouvelle, c'est que le petit Chip Chip va donner un grand concert. Ses amis le lui ont tant fourré dans la tête qu'il s'est laissé persuader. Cependant, il se flattait toujours que cela serait si difficile à arranger qu'on y renoncerait. Les choses ont été plus vite qu'il ne croyait. À peine avait-il lâché le « oui » fatal que tout s'est trouvé fait comme par miracle et que les trois quarts de ses billets étaient pris avant qu'on eût même annoncé. Alors il s'est réveillé comme d'un songe. Et l'on ne peut rien voir de plus drôle que le méticuleux et irrésolu Chip Chip obligé de ne plus changer d'avis. Ce cauchemar chopinesque se passera dans les salons de Pleyel le 26. Il ne veut pas d'affiches, il ne veut pas de programme, il ne veut pas de nombreux publics, il ne veut pas qu'on en parle. Il est effrayé de tant de choses que je lui propose de jouer sans chandelle et sans auditeur sur un piano muet. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cette lettre qu'on vient d'entendre de Georges Sand à Pauline Viardot du 18 avril 1841, lue toujours par Vanda Bénès. À entendre cette lettre, on ne croirait pas que Chopin ait été un grand coureur de salon parisien, ce que pourtant il a été, Cécile Reynaud, malgré son angoisse. Il n'a pas été un grand coureur de salles parisiennes, c'est-à-dire il ne s'est pas fait connaître comme Liszt ou Thalberg ou d'autres dans les plus grandes salles de Paris, mais il a fréquenté dès son arrivée énormément de salons parisiens qui sans doute correspondaient davantage à son habitude d'abord depuis Varsovie et puis au cercle qu'il s'attendait à avoir comme auditeur. Il y a combien de personnes dans ces salons quand il y joue ? Dans ces salons, peut-être, ça doit dépendre beaucoup entre le salon de l'hôtel Lambert et d'autres salons plus confidentiels. On pouvait, je suppose, passer d'une trentaine de personnes à une centaine. Et là, il y a un certain nombre de personnes qui vont beaucoup l'aider à devenir Chopin. Alors, quand il arrive à Paris, on sait qu'un des premiers contacts qu'il a pris, on en parlait tout à l'heure, c'est avec Pleyel, le facteur de piano, qui sera un de ses premiers soutiens à Paris. Et justement, Pleyel avait, comme beaucoup de facteurs de piano, des salons attenant à sa fabrique de piano pour pouvoir faire entendre ses instruments. Il joue déjà sur un Pleyel en Pologne ? En Pologne, je ne pense pas qu'il avait un Pleyel. Non, je pense que je n'en suis pas sûre, mais je pense qu'il découvre véritablement, ou en tout cas, il approfondit peut-être la connaissance de ses pianos une fois qu'il est à Paris. Et Pleyel va tout au long de sa carrière mettre à sa disposition des instruments, comme Erard le faisait pour Liszt, par exemple. C'est une façon de faire connaître ses instruments sous les doigts des meilleurs pianistes. Donc Chopin va, par exemple, se donner à entendre dans les salons Pleyel. Mais attention, le nom de salon pour Pleyel n'est pas le sens de salon mondain. Salon aristocratique, c'est en quelque sorte une salle de concert attenante. Comme la salle aujourd'hui connue sous le nom de salle Pleyel. Exactement, voilà, c'était plus petit à l'époque, mais voilà. Et donc les salons, c'est autre chose, ce sont véritablement les intérieurs privés d'aristocrates, de bourgeois, de notables parisiens, au sein desquels Chopin, petit à petit, va trouver sa place. Donc il y a toute une géographie comme ça à Paris des salons parisiens, Cécile Reynaud. Il y a le Paris moderne, où d'ailleurs Chopin vit avec Georges Sand. À partir de 42, oui, il s'installe à la Chaussée d'Antin, à la Nouvelle Athènes. Voilà. En effet, et il y a évidemment il y a les quartiers. En plus, cette géographie des quartiers recouvre aussi une géographie politique de Paris. On a le vieux faubourg, le faubourg Saint-Germain, qui est plutôt légitimiste. Il y a enfin la Chaussée d'Antin, le quartier plutôt moderne des banquiers, des orléanistes peut-être plutôt, et il y a aussi le faubourg Saint-Honoré où vivent par exemple la représentante des exilés italiens, Christine de Belgioroso, qui est là et qui organisera un grand concert en 37 où Chopin participera apparemment, puisque Christine de Belgioroso avait l'habitude d'organiser des grands événements dans son salon, et c'est là qu'a lieu le célèbre, enfin célèbre pour ceux qui s'intéressent à cela, le célèbre duel entre Liszt et Thalberg. Et à un autre moment, elle commandera une œuvre à six pianistes qu'on appelle l'Hexaméron, et les six pianistes joueront une variation sur un thème de Bellini. Chopin écrit une des variations de l'Hexaméron. Alors ce duel, on peut peut-être en dire un mot pour ceux qui s'intéressent à la musique mais n'en ont tout de même pas entendu parler. Oui, alors ça s'est appelé duel à l'époque, donc c'est tout dire, hein. Et il s'agissait de deux virtuoses rivaux. Liszt était déjà parti de Paris à l'époque pour se lancer dans les tournées internationales, et le pianiste Sigismund Thalberg était présent à Paris. Liszt en entend parler, demande un peu qu'est-ce qu'il fait, qui est-il. Donc il avait une technique apparemment très développée qui concernait l'usage des deux pouces, des deux mains, enfin bon. Et Liszt en entend parler, regarde sa musique, décide que cette musique n'est pas celle d'un pianiste de sa valeur à lui, qu'il doit revenir à Paris pour se confronter à ce rival. Ah donc c'est lui qui le provoque en duel ? Oh, je ne sais pas s'il y a eu véritablement une provocation comme dans les duels de l'Ancien Régime, mais il y a eu en tout cas, ils ont su, disons, par personne interposée, qu'à un moment ou à un autre, il faudrait qu'ils se confrontent. Et c'est la princesse, donc Belgioroso, trop heureuse, je pense, d'avoir un événement de cette ampleur mondaine, en tout cas chez elle, qui allait faire venir du monde. Et là, pour le coup, il devait y avoir plus que 30 personnes, beaucoup plus même, je ne sais pas combien. Elle a fait payer des billets pour ce duel, et Liszt et Thalberg ont pu l'un et l'autre, disons, faire un duel à la fois de pianistes et de compositeurs, puisqu'ils ont chacun joué des œuvres qu'ils avaient écrites. Mmh. Et je crois me souvenir qu'il s'agissait de fantaisies sur des airs d'opéra. C'est d'ailleurs une des œuvres que Chopin n'a pratiquement ou n'a jamais pratiquées. La fantaisie sur des airs d'opéra connus à l'époque, qui était un genre que les virtuoses affectionnaient particulièrement, puisqu'il permettait à la fois de divulguer, de diffuser des grands airs d'opéra que le tout Paris n'avait pas forcément pu entendre, et de faire montre de leur virtuosité comme improvisateur aussi, puisqu'ils pouvaient improviser sur ces thèmes. Est-ce qu'il y a eu un vainqueur à ce duel ? Alors, il y a eu des proverbes qui sont sortis du duel, qui ont dit Thalberg est le premier, Liszt est le seul, enfin des choses comme ça qui font que tout le monde est parti plus ou moins content. Et voilà la fin de ce duel, et Chopin n'aurait jamais aimé ça. Ouais. Alors, nous devons entendre un élément, mais qui ne va pas tarder à partir. Mais la réputation de Chopin après sa mort, surtout dans le XXe siècle, était d'un compositeur. Par exemple, Gould méprisait Chopin totalement. Il pensait que Chopin, c'était un compositeur de salon. Et c'est vrai, il était un compositeur de salon. Il jouait dans des salons parisiens. Mais comme Liszt. Liszt et tout le monde, oui, exactement. Il était un très grand pianiste. Très petit de taille, en même temps, un petit homme avec des mains très très très petits, même miniatures, une santé extrêmement fragile, mais il était à peu près quelqu'un disait de lui quand il jouait mezzo forte, c'était comme fortissimo, parce que la gamme, si vous voulez, de son expression pianistique était tellement petite. En même temps, il faisait un très grand effet avec ça. Bon, il était compositeur et en même temps enseignant. C'est-à-dire, c'est une manière de gagner la vie. Il était le professeur, si vous voulez, des demoiselles parisiennes. Il avait un goût pour les aristocrates qui était assez marqué. Alors tout ça a donné l'impression Surtout dans la période, si vous voulez, de Prokofiev, de Schoenberg, des transcriptions pour piano de Stravinsky, et même avec des compositeurs comme Hindemith, que Chopin était un compositeur tout à fait négligeable. C'était un nain qui amusait les gens. Une archive d'Edward Said. Finalement, ce qu'on reproche à Chopin, c'est que sa musique ne serait pas assez compliquée, pas assez difficile. Compliquée au sens de la composition ou au sens de la virtuosité musicale, enfin... Ce que disait Edward Said, c'était que finalement, il y avait une telle pureté et une telle légèreté dans la musique de Chopin qui paraît à l'oreille d'une assez grande simplicité, comme on pourrait le dire peut-être de la musique de Satie, je ne sais pas. Ça lui a peut-être finalement joué des tours, parce qu'au fond, on a considéré que par cette... apparente facilité, il était un compositeur entre guillemets facile. Qu'en pensez-vous, Cécile Reynaud ? Il est possible que les origines polonaises de la musique de Chopin, beaucoup de ses œuvres tirent leur particularité d'allusion à des formes de musique polonaise, par exemple à des danses, à la polonaise, à la mazurka. Et il est possible que ces emprunts à la musique folklorique, entre guillemets, polonaise, dont il s'est complètement éloigné, mais qui était une partie de son âme de compositeur, si on peut dire, ont peut-être pu faire penser qu'au fond, il s'était mis sur des modèles qui étaient d'une certaine simplicité. Mais j'avoue que cette idée d'une simplicité de l'œuvre de Chopin me choque un peu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de partisans de cette idée. Visiblement, il y en a. Parce que, à partir de certains de ces modèles qui peut-être semblaient simples, il a construit une œuvre qui est un univers, enfin, qui est vraiment d'une diversité de formes d'abord. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup écrit pour la voix, même pratiquement pas. Il y a quelques mélodies, les mélodies polonaises. Il a très peu écrit pour l'orchestre. Il y a la Cidarem Laman ou les concertos. Et sinon, c'est le piano. Mais à l'intérieur de ce répertoire pour piano, les diversités sont énormes. Mais c'est vrai que par rapport à Liszt, que vous connaissez bien, et on y revient toujours, on a toujours l'impression que, à l'écoute de Liszt, il y a tellement plus de notes. C'est tellement plus difficile à jouer. Qu'il y ait plus de notes, ça c'est certain. Mais voilà, ce qui ne veut pas, on peut faire beaucoup de notes et faire des choses simples, en mettre moins et que ce soit compliqué. Je pense que aussi, ce qui joue, c'est que Chopin, hélas, est mort très jeune. Liszt a vécu jusqu'en 86. Ouais. Donc son œuvre a pu prendre aussi des tournants, les tournants d'une carrière qui a été, comme on sait, très diverse, puisqu'à partir de 48, il abandonne le piano soliste. Et puis à la fin de sa vie, il y a encore des pièces pour piano, mais extrêmement dépouillées, qu'on dirait avant-gardistes aujourd'hui. Donc c'est une œuvre foisonnante, parce qu'elle est aussi beaucoup plus longue. Et il est vrai que Liszt peut donner cette idée d'une variété beaucoup plus grande, parce qu'il s'est intéressé à des sujets beaucoup plus divers que Chopin. Il est vrai que Liszt était particulièrement ouvert à tous les milieux littéraires et politiques de son temps. Et que ces milieux littéraires et politiques l'ont inspiré. Il y a dans Les années de pèlerinage ou dans l'album d'un voyageur une pièce qui s'appelle Lyon, qui est inspirée des insurrections des canuts lyonnais. Il y a des poèmes symphoniques inspirés de Victor Hugo. Il y a la Dante symphonie, il y a la Fausse symphonie. Il y a une œuvre foisonnante de culture, de lecture. Le jeune Liszt, on le sait, arrivant à Paris, était fou d'apprendre, fou de fréquenter tous les cercles qu'il pouvait, qui lui auraient appris la littérature, tout ce qui se passait dans la société, la philosophie, l'histoire de l'art, etc. Chopin, c'était plus compliqué. Ça ne veut pas dire que cela n'existait pas. Il a vécu avec George Sand une grande partie de sa vie. Il était très proche du peintre Delacroix. Donc, il avait bien entendu ses intérêts particuliers hors la musique, mais c'est la musique qui était première, c'est bien évident. Et le piano surtout. Mais c'est pas le même rapport en effet à la passion politique. Et là, on peut commencer à évoquer aussi la période du Paris de cette époque-là, qui est une période qu'on a qualifiée plus tard de romantique, et période dans laquelle la passion, justement, est un des déterminants essentiels, le sentiment. On pense à Victor Hugo, on pense à Liszt, justement, qui est exactement dans ce registre-là. Donc, on a un romantisme chez l'un et chez l'autre, mais on a l'impression que c'est pas le même. Le lyrisme n'est pas le même, c'est certain. Le lyrisme de Liszt passe par l'expression de textes littéraires ou de textes venus de l'opéra ou d'arguments venus de l'opéra, de textes théâtraux. Donc c'est un lyrisme qui trouve sa nourriture dans beaucoup d'arts environnants. Le lyrisme de Chopin, c'est peut-être ce qui le caractérise le plus. Si aujourd'hui on demandait caractéristiques de Chopin, c'est vraiment une musique de l'âme, comme disait Balzac, comme on dit beaucoup d'autres, Custine et beaucoup d'autres. C'était l'âme qui s'exprimait. Mais c'est un lyrisme, en effet, qui provient d'une source qui paraît unique, enfin qui est son inspiration. Chopin était un musicien qui n'aimait pas beaucoup le romantique. Il n'aimait pas Schumann. Il aimait Mozart. Il n'aimait pas la littérature dans la musique. Il n'aimait pas Beethoven qui appelait des sonates pathétiques. Il n'aimait pas. Il admirait, il donnait à ses élèves. Il n'aimait pas Berlioz. Berlioz, oh, il disait qu'il faisait trop de bruit. Oui, c'est ils ça. Étaient très amis. Très amis. Non, non, il appréciait leur talent, mais il n'aimait pas. Vous comprenez, c'est-à-dire Beethoven était pour lui trop personnel, trop individualiste, trop affirmatif. Et au fond, il n'a pas aimé la musique de Liszt non plus. À Liszt, il aimait l'être. Avec raison, parce que Liszt a pris beaucoup de Chopin. D'ailleurs, il a volé beaucoup de ses effets. Il a traité le piano après Chopin. Oui, oui, oui. C'est Chopin. Ça, c'est tout à fait du Chopin. Enfin, il a écrit tout le temps des choses de Chopin. Oui. N'est-ce pas, Liszt? Oui. Enfin, non, Liszt, on ne peut pas. Il s'est permis trop de choses quand même, contre la musique. Voyez-vous, Chopin était le disciple absolu, dévoué et entier de Bach et de Mozart. Exactement. Pas d'autre. De classe bien tempérée des sonates. Pas du tout. Mozart était son absolu dieu. Vous savez, c'était la simplicité de Mozart. Compagnie des œuvres sur France Culture, il n'aimait rien, ce Chopin, si on en croit Arthur Rubinstein, Cécile Reynaud. Ce qu'on retient quand même, je crois, de cette archive, c'est qu'il faut aller chercher autant du côté du classicisme que du romantisme quand on parle de Chopin. Oui, et curieusement, Chopin n'est pas le seul romantique à s'être déclaré un classique. Si on regarde certaines déclarations, même de Berlioz, qui pourtant paraît un parangon de romantisme, il a dit plus ou moins tard, même assez tôt, on m'a dit que je suis un romantique, mais je suis aussi ou je suis surtout un classique. J'aime Gluck, j'aime la forme, j'aime la carrure de la musique, la carrure classique de la musique. Donc en effet, Chopin n'a pas manifesté beaucoup d'intérêt pour les caractéristiques du romantisme, les rapprochements entre les arts, le lyrisme venu d'arguments extra, enfin musicaux. Mais il était tout de même, alors il chérissait Mozart, comme on vient de l'entendre dans l'archive que vous avez diffusée. Il admirait Bellini, Rossini aussi, dont il aimait la ligne vocale. Il était un grand amateur, un grand amoureux de la ligne vocale. Et son piano, souvent, on a pu dire que la ligne du pianisme de Chopin était celle du bel canto bellinien. Parfois. C'est ce qu'il disait aussi à ses élèves. Et de faire chanter comme ça. C'est une des recommandations voilà, dont on sait qu'il les donnait à ses élèves par les témoignages des élèves. Mais il y avait, bien entendu, Chopin a fréquenté les plus grands artistes de son temps. Il était un être extrêmement fin, je n'en doute pas. Et donc, il a été, par exemple, très ami avec Delacroix. Donc, c'était l'ami du grand peintre Delacroix qui, lui-même, tout en étant un des représentants du romantisme en peinture, se prétendait aussi un classique qui donnait à lire à Chopin l'article Goût du dictionnaire de Voltaire, du dictionnaire l'article Goût écrit par Voltaire. Alors, puisque vous parlez de Delacroix, on va écouter justement un extrait de son journal en date du 7 avril 1849. Dans la journée, Chopin m'a parlé musique et cela l'a ranimé. Je lui demandais ce qui établissait la logique en musique. Il m'a fait sentir ce que c'est qu'harmonie et contrepoint, comme quoi la fugue est comme la logique pure en musique, et qu'être savant dans la fugue, c'est connaître l'élément de toute raison et de toute conséquence en musique. J'ai pensé combien j'aurais été heureux de m'instruire en tout cela qui désole les musiciens vulgaires. Ce sentiment m'a donné une idée du plaisir que les savants dignes de l'être trouvent dans la science. C'est que la vraie science n'est pas ce que l'on entend ordinairement par ce mot, c'est-à-dire une partie de la connaissance différente de l'art. Non, la science envisagée ainsi, démontrée par un homme comme Chopin, est l'art lui-même. Et par contre, l'art n'est plus alors ce que le croit le vulgaire, c'est-à-dire une sorte d'inspiration qui vient de je ne sais où, qui marche au hasard et ne présente que l'extérieur pittoresque des choses. C'est la raison elle-même ornée par le génie, mais suivant une marche nécessaire et contenue par des lois supérieures. L'art, c'est la raison ornée par le génie. On n'est pas du tout dans la vision du romantisme exalté qui pourrait être celle de Liszt. C'est un romantisme scientifique, ça existe. Exalté, ça non, oui, peut-être. Un exalté, non, mais il rejoint encore une fois par là certains de ses collègues romantiques. Delacroix aussi s'est déclaré un classique à certains moments. Berlioz aussi. Et peut-être qu'on peut voir dans cette attitude aussi un peu celle avant la lettre d'un dandy un peu détaché, disons, de ce qui n'est pas strictement sa définition de la beauté à lui. On peut imaginer Chopin en dandy, enfin beaucoup l'ont dit certainement. Georges Sand disait qu'il ne s'intéressait finalement qu'à ce qui l'intéressait. Il avait des difficultés à s'intéresser au univers, voilà, à son univers à lui, d'où aussi son désintérêt probablement pour les questions politiques ou autres. Il n'était certainement pas un progressiste social, ça n'était pas son monde, ça n'était pas son intérêt. Dans l'idée de romantisme, il y a l'idée de sentiment. Quels seraient les sentiments qui sont propagés, qu'on entend dans la musique de Chopin, Cécile Reynaud ? Pour le savoir, il faut aussi se tourner vers tout ce qu'on a pu dire de la musique de Chopin, parce que nous l'entendons en 2019 avec notre oreille de contemporain, et certainement les sentiments que l'on entend dans une musique sont datés par l'histoire de celui qui les entend. Mais si on remonte à la réception de ces œuvres, on peut dire que un des grands thèmes récurrents dans la description des sentiments qui émanent des œuvres de Chopin, c'est la nostalgie et l'exil. Probablement, c'est une des premières choses qui a été constatée, qui était bien évidente, puisque le jeune Chopin arrive de Varsovie, son pays vient d'être écrasé par la Russie. Il y avait toute une sorte de drame qui se jouait autour de lui et que sa musique met en valeur d'une façon accentuée. Dans les polonaises, dans les mazurkas ou partout. Évidemment, le fait qu'il reprenne la musique de son pays dans les polonaises, dans les mazurkas, donne à voir cela en premier lieu. Mais très certainement, cette idée d'être en exil transparaît dans toute sa musique qui est au fond qui fait passer le sentiment de mélancolie. On peut dire, il me semble que on peut se mettre d'accord tous sur ce point-là, mais c'est difficile de parler d'une façon objective de ce qui n'est transmis et ce qui est transmis par la musique vers d'autres. Et ce sentiment, il passe par la fameuse note bleue dont on a beaucoup parlé au sujet de Cette Chopin. Cette note bleue qui vient de la conversation justement que Georges Sand, Delacroix et Chopin ont pu avoir ensemble, où justement, je pense, c'est cette conversation où Delacroix parle de la couleur, du dessin, exprime son admiration pour le classicisme aussi, et où finalement, c'est Georges Sand, je crois, qui dit qu'il faut donner une couleur à la musique de Chopin et que ce serait cette note bleue qu'il exprime rime. C'est quoi la note bleue alors ? Ah, alors là, bien malin. C'est un mode mineur, c'est quoi ? C'est ce qui définit peut-être ce qui est chopinien, ce qui est l'âme de Chopin dans son. Alors une couleur, visiblement, une couleur peut-être difficilement définissable, qui a des nuances. Un sfumato. Un sfumato, des nuances de bleu. Et après, ça a été repris par le jazz quand même, cette idée de notes oui. bleues. Oui, oui. oui, oui. Autre sentiment, la mélancolie. Il n'y a pas beaucoup de joie quand même. Où y en a-t-il ? En avez-vous trouvé dans la musique de Alors, Chopin ? Dans la musique, il y en a certainement. Certaines valses ne sont pas toutes empreintes de mélancolie. On peut rappeler que certaines des lettres de Chopin sont parfaitement empreintes de joie, un peu de potache d'ailleurs, où il raconte à ses amis en Pologne ou à Paris des événements plutôt drôles, plutôt un peu... disons, qui amuse tout le monde, dont on ne s'attendrait pas à ce que l'âme romantique et mélancolique de Chopin ait pu les faire paraître. Donc, certainement, il y avait en lui aussi une personne tout à fait joyeuse et amusante, mais qui voulait bien apparaître quand elle le voulait, disons. Donc, c'est aussi un mythe, quand même, ce Chopin, à la limite d'avoir les larmes aux yeux en permanence. C'est un mythe du personnage romantique, finalement. Alors, ce qu'on connaît de Chopin, au fond, est-ce que c'est construit par autre chose qu'une suite d'images qu'on nous a transmises de lui ? Bien sûr, des grands musicologues comme Jean-Jacques Hegeldinger ou d'autres ont pu construire une image fondée sur les documents, sur la musique, sur les archives, qui peut-être permettent d'échapper à ce mythe. Mais très certainement, le Chopin que, disons, nous connaissons aujourd'hui, sans entrer dans les dans la science, est une image transmise par une suite de réceptions qui crée, entre guillemets, une sorte de mythe de Chopin. Peut-être qui participe cette image du Chopin mélancolique. Mais c'est presque une image de personnage de roman romantique, justement. On dirait qu'il a été construit aussi presque littérairement. Oui, il y a des musiciens romantiques dont le personnage littéraire a été construit d'une façon beaucoup plus volontariste que celui de Chopin. Je pense à Berlioz, évidemment, qui, en écrivant ses mémoires, en vivant lui-même au début de sa vie et la fin de sa vie, un épisode qui en faisait un roman, a véritablement construit la carrière d'un personnage de roman. Chopin, je pense pas qu'il ait construit ça d'une façon volontaire. Il n'a pas écrit pour, comment dire, que la postérité garde de lui l'image qu'il justement voulait qu'on ait. Justement, dans sa discrétion, et puis aussi parce qu'il est mort jeune, parce qu'il était maladif, et tout ça a créé, mais sans doute pas volontairement, un personnage. Certainement, les images que l'on a eues de lui aussi, que George Sand, que ses élèves ont pu transmettre de lui juste après, et que la Pologne a pu construire, je suppose, avec la France, ont contribué à créer cette image du Chopin que l'on connaît. Chopin, eh bien Chopin, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui... sur le plan du romantisme, sauve le romantisme de ses démons. Justement, les démons du romantisme, c'est de vous imposer une vision du monde. C'est de vous dire, tu es comme ça, tu seras comme ça, tu dois ressentir ceci et cela. Et puis il y a ce culte du demi-dieu. Il n'y a rien de tout cela chez Chopin. Et en ça, il est unique. Enfin, unique non, il a des compagnons. Dans l'histoire, il y a Webern, il y a Stravinsky, il y a Mozart. Voilà, avec Chopin, ce sont des compositeurs qui sont des non-dominateurs. Ce sont des gens de non-pouvoir. C'est joli cette expression d'André Boucourelieff, un non-dominateur. C'est vrai que le romantisme de Chopin, c'est un romantisme doux. Oui, peut-être qu'il faut faire de nécessité vertu parfois, mais je reviens à ce que disait l'archive. Les romantiques auraient été des demi-dieux, des dominateurs. Il est vrai qu'il y a cette image du mage romantique, c'est-à-dire l'artiste guidant le reste de l'humanité vers le beau. C'est vrai que cette image a existé. Et je pense que Chopin, sans avoir voulu se déclarer ou se comporter comme un demi-dieu sur scène, n'était pas du tout loin de cette idée de la fierté de l'artiste et de sa tâche hautement placée. Donc, qu'il n'ait pas été romantique par là, je n'en suis pas sûre. Est-ce qu'on ne retrouve pas dans le piano Pleyel cette conception du romantique, parce que on décrit ces pianos comme étant des pianos moelleux, par exemple, des pianos beaucoup plus doux que les Erhard sur lesquels tapait l'ami Franz Liszt? Ah oui, oui, mais Liszt, il ne tapait pas, il jouait sur, sur les Erhard, pardon. Bien sûr. Et donc, oui, les pianos Pleyel étaient connus pour avoir, disons, pour répondre à un jeu plus piano, plus doux, qui correspondait visiblement davantage à celui de Chopin. Est-ce que c'est romantique, cela, de jouer d'une façon moins forte? Non, c'est certainement, plutôt, ça correspond à l'expression artistique plus intérieure qui était celle de Chopin. La sonorité argentine un peu voilée du Pleyel de Chopin, écrit Franz Liszt. Voilà, qui pouvait évidemment le comparer, lui qui avait joué sur tous les pianos créés dans le monde. Mais je pense que Liszt se considérait comme un romantique, même s'il ne l'a peut-être jamais dit, et qu'il jouait sur bien d'autres pianos. Donc ce n'est... Pleyel correspondait à une des esthétiques que le romantisme a pu mettre en œuvre, celle de Chopin, qui était un pianisme plus intérieur, moins théâtral. Et donc qui était celui de Chopin. Bien d'autres pianistes ont joué aussi sur les Pleyel, bien sûr. Cette très belle polonaise en si bémol mineur de Chopin, pour parler d'une autre polonaise en si bémol mineur de Chopin, Cécile Reynaud, mais qu'on ne peut pas entendre. C'est une partition que vous avez retrouvée quand vous travaillez au service de la musique de la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez nous raconter? Oui, c'était un événement lors de la préparation de l'exposition de 2010 au musée de la musique que nous avions faite avec Jean-Jacques Geldinger et Thierry Maniguet. Nous travaillions sur les manuscrits autographes de Chopin et les collègues qui travaillaient sur les fonds du conservatoire ont retrouvé une copie de cette polonaise dont vous parlez, qui était donc visiblement de l'époque même de Chopin, copiée par l'entourage de Chopin et qui comportait des commentaires même sur la façon dont Chopin avait écrit cette œuvre. Donc ça n'est pas de sa main à lui, ça n'est pas un autographe. Oui, oui, les spécialistes peuvent le dire, mais c'est de son entourage proche qui donne des témoignages sur ce que Chopin a voulu faire, quand est-ce qu'il a écrit. Donc ça date de 1821. Visiblement, il y a des allusions à un opéra de Rossini, puisqu'il est écrit sur la partition Chopin venait d'aller à l'opéra entendre du Rossini, et on sait que Rossini était une de ses grandes admirations. Il y a également des petits commentaires qui marquent la vie quotidienne de Chopin, puisqu'il rentrait, je crois, d'une ville d'eau où il avait été pour soigner sa sœur et lui. Donc on a des détails sur sa vie quotidienne, on sait que des amis ont copié cette musique, on sait qu'il a été entendre du Rossini à Varsovie peu de temps avant, donc on a vraiment une image de ce que pouvait être la vie de Chopin à Varsovie en 21. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre aussi du très jeune compositeur qu'était Chopin ? Cela peut apprendre qu'il nourrissait son inspiration aussi en allant écouter la musique à l'extérieur, ce qu'il faisait à Paris toujours. Hein. Il n'était pas cloîtré chez lui, ayant peur de tout le monde. Il allait bien sûr à l'opéra, au concert. Donc à Varsovie, il le faisait aussi. On sait qu'il était entouré d'amis. On sait qu'il y avait sa famille qui était très importante pour lui. Et donc cela donne une idée de ses premières compositions qui, déjà, donc sont, ou surtout à Varsovie, peut-être, peut-être, est une polonaise. Donc ça, c'est... On sait aussi que tout était écrit en français sur cette partition. Oui, son père était français d'origine et tenait un pensionnat où il enseignait le français aussi. Donc Chopin a évidemment baigné dans cette ambiance franco-polonaise. Merci beaucoup Cécile Reynaud pour toutes ces explications. Je rappelle que vous avez été en charge de l'exposition Chopin à Paris, l'atelier du compositeur au Musée de la Musique en 2010. Vous avez écrit des articles sur Chopin et les salons parisiens qu'on peut lire dans le numéro 34 de la revue de la BNF. Se trouve également dans ce même numéro votre article sur la polonaise dont on vient de parler. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Mayalène Berassategui du nouveau magazine littéraire. Bonjour Mayalène. Bonjour. Vous nous parlez de l'héritage de Chopin en Pologne. Chopin qui est devenu un symbole national dans son pays. De quelle manière, Mayalène ? En fait, la Pologne a un roman national qui est fait de tout un tas de héros exilés, des intellectuels, des artistes, des scientifiques, des activistes politiques. Et le plus connu internationalement de tous ces gens-là, c'est incontestablement Chopin. Pourquoi ? D'une part parce que la musique, c'est un art très très efficace pour diffuser et valoriser ce qui serait l'âme d'un peuple en se basant sur des pratiques populaires. Et d'autre part, pour déjouer la censure, vous n'avez pas besoin de traducteurs, vous n'avez pas besoin de démultiplier les supports. Et c'est très difficilement, comme vous le disiez, objectivable. Et ça se voit, par exemple, quand les polices d'Europe se demandent ce que les musiciens vont pouvoir improviser pendant leurs concerts, parce qu'il y a souvent une part d'improvisation. Clairement, c'est pas quelque chose de neutre, la musique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus difficilement arrêtable que d'autres arts. Et être un artiste avec une cause à défendre, c'est aussi une identité qui se retrouve chez d'autres artistes au XIXe siècle. Liszt va faire pareil avec la question hongroise qu'il va contribuer à développer en France. Smetana et Dvorak vont faire pareil avec la bohème. Il y a un peu au XIXe siècle une internationale des artistes issus des nationalités sans état qui sont aujourd'hui des grands hommes dans leurs pays respectifs en fait. Pour Chopin, il faut rajouter à ça qu'au début du XXe siècle, en fait, l'un des premiers ministres de la Pologne indépendante, qui s'appelle Paderewski, était un pianiste spécialiste de Chopin, qui modelait en partie son image à lui sur l'image de musicien exilé de Chopin. Et son activité a beaucoup contribué à faire rentrer la musique dans le roman national polonais et à maintenir l'image de Chopin à l'international, en fait. Aujourd'hui, l'équivalent des victoires de la musique polonaise s'appelle des Frédéric, on dirait des Oscars avec la tête de Chopin et des ailes. L'Institut Chopin, c'est vraiment une immense institution culturelle polonaise et le concours Chopin dans les médias polonais s'est diffusé à la télé, à la radio, sur YouTube et tout le monde suit, c'est un vrai truc. Du coup, on peut se demander si avec une telle place de Chopin dans le roman national, il n'est pas un peu difficile pour des artistes polonais de se réapproprier son œuvre, c'est le cas ? En fait, Chopin a en Pologne toute une série de successeurs qui sont pas forcément des musiciens classiques, mais qui sont aussi beaucoup des jazzmen qui se considèrent eux comme les héritiers de tout ce qu'il pouvait y avoir d'improvisation chez Chopin et même dans la musique classique en général parce qu'on improvise quand même moins en musique classique au XXe siècle. Et le jazz a pris dès le début du siècle en Pologne. Il y avait beaucoup plus de communication entre la Pologne et l'Ouest qu'entre d'autres pays du bloc soviétique et l'Ouest. Ce qui fait que beaucoup de grands artistes ont pu se réapproprier Chopin. Donc, mon best-of pour briller en société. Allons-y, brillons. Mieczysław Kosz, donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une pièce assez simple, par exemple le prélude en do mineur, si vous voulez écouter, et à partir de la structure harmonique, il va créer une nouvelle composition de jazz. On est dans un jazz assez classique, dans la lignée d'Errol Garner, qui lui-même avait fait beaucoup de jazz adapté de classiques, de Debussy, de Dvorak notamment, et c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui dans les années 70 avait aucun problème à mettre sur le même CD Chopin et les Beatles, par exemple. Mon deuxième de mon best-of, Andrzej Jagodzinski, lui, en 93, il a sorti un album qui s'appelle Chopin en trio et qui a complètement revitalisé la pratique de Chopin version jazz. Donc il va prendre des extraits de pièces relativement peu modifiés et les traiter comme des standards, donc d'abord le thème, puis improvisation, contrebasse, batterie, piano. Et on est dans un peu dans ce que fait aussi Keith Jarrett dans les années 80. Et mon chouchou, Leszek Moszder, qui est un des compositeurs phares de la scène musicale actuelle en Pologne, lui il représente une facette beaucoup plus moderne du jazz, à la manière de ce que pouvait faire Jarrett de manière un peu plus tardive. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire par exemple pas mal de piano préparé, donc mettre des choses dans son piano, mettre des objets dans le piano pour transformer le son. Et on retrouve un peu ce que faisait Kosz, mais avec tout le langage de la musique contemporaine, qu'elle soit jazz ou classique, à mi-chemin entre la rythmique du jazz moderne et l'école minimaliste américaine, si vous voulez. Bon, on aurait souhaité en entendre, mais malheureusement, la pendule tourne un peu trop vite. Merci beaucoup, Maya-Hélène Verasategui. Et puis, on se retrouve très bientôt. On retrouve également votre signature dans le nouveau magazine littéraire. Demain, on se retrouve pour continuer à parler de Chopin avec Jean-Yves Pat. On parlera des étés de Chopin à Nohant. Si vous avez l'occasion également de vous rendre à Lens ce week-end, vous pourrez entendre du Chopin au Musée du Louvre dans le cadre du week-end Muse et Piano.